We'll continue the conversation between Hélène and André in a moment, but first... Le nouveau vocabulaire. The new vocabulary. Quand vous entendez les nouveaux mots du vocabulaire la deuxième fois, répétez-les. Le salon. Exhibition or show. Le salon. Un collègue. A male colleague. Un collègue. Je vous présente. Let me introduce you to. Je vous présente. Enchanté. Pleased to meet you. Enchanté. Parlez-vous français? Do you speak French? Parlez-vous français? Si. Yes. Si. Entendu. Agreed. Understood. Entendu.